chanter. Je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain, je m'y remets. Les fugies à les combats, les arguments à deux balles. Est-ce que là, ils sont bien au pied de l'amour infernal? Est-ce qu'ils malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale? Est-ce que aux radios matinales? Je veux danser, je veux danser sur les brèves. Il fait si chaud, mes toilettes. Je veux danser comme un air du chalet. Les deux pieds. Les picadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les picadors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse les noms qu'à leur sort. Je veux te faire oublier le mal de nuit, le mal d'aimé. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain, je m'y refais. Donne-moi la main, camarade. Tout ça, c'est la rigolade. Donne-moi la main, camarade. Même si on est dans la balade, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire.